Shatix, Jozo. Turn top, girl, I like girl with a Q-tip toe. Up and down my girl like a yo-yo. Take a pose. My girl, you bato. Girl, I like girl with a Q-tip toe. Up and down my girl like a yo-yo. Take a pose. My girl, you bato. Ti from Ubel, Udu, Kosiwo. Ou aime bache en les moto. En soirée, ya c'est ou qui picho. Papette from Vini, point poto. Ou savent très bien, non, moi c'est Yozo. Manka Vini pour foutre mal dos. Manka Vini déchiré clito. Ou c'est en clou et moi c'est en mato. Girl, I like girl with a Q-tip toe. Up and down my girl like a yo-yo. Take a pose. My girl, you bato. Girl, I like girl with a Q-tip toe. Up and down my girl like a yo-yo. Take a pose. Yo. My girl, you bato. T-Fum. Buenessa. Sukosa. Matessa. Fum. Buenessa. Sukosa. Matessa. Bessi. Bessi. Bessi. Bessi. La ni femme qui m'a démaillé, pour pas travailler pour ni papier. Belle femme est bon pas cachaillé, ou ça venir en homme de yé kazaillé. Femme qui mette ou en 3K, ou ni bon pas pour nous jouer en ça. Vin fait sa bat en dit dans Kayla, Yozo ek chatix ni balamine la. Girl, I like the way that you tiptoe. Up and down my girl like a yo-yo. Take a pose. My girl, you bato. Girl, I like the way that you tiptoe. Up and down my girl like a yo-yo. Take a pose. Yo. My girl, you bato. T-Fum. Buenessa. Sukosa. Matessa. Fum. Buenessa. Sukosa. Matessa. Bessi. Chatix, Jozo. Tanta fam.